Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission de Prise Radio. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous aussi d'être présent. De prenez le Poitou Charente. Vous êtes de plus en plus nombreux. À écouter cette émission depuis le Limousin, région enclavée de France. C'est l'émission combien? L'émission numéro 3 ou 4. N'importe quoi. Non, c'est l'émission 6 ou 7. Non mais lui, alors lui. On est dans vers les 10. On est vers les 10. Ah, oui. Déjà, on en a pas fait une depuis un an. Bravo, jour pour jour, bravo, pourquoi bravo? Parce que je suis auto-satisfait de ma de ne pas avoir parlé pendant un an. Congratuler, c'est vrai que c'est un mot. Oui, c'est pas trop bandé des anglais. Congratulations, enfin, je te congratule. Je te congratule. Ouais, je te congratule de ta performance, qui est plutôt pas mal. C'est vrai. Excusez-moi, on me fait signe de me rapprocher du micro. Mais là, c'est trop laid, on est tous penchés comme ça. Bon, d'accord, c'est pas trop grave. Fort. Moi, je dis qu'on nous entend très bien de là où on est. Bon, d'accord. Donc, au programme de cette émission, comme d'habitude. Donc voilà, vous savez ce qu'on va faire en général, donc vous savez déjà quoi. C'est toujours pareil. Et si vous savez pas, eh ben on va d'abord vous allez se les présenter. On va... Allez, ça va. On va se présenter d'abord. Alors bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 17 ans, je vais passer le bac dans pas longtemps, là à l'heure où j'enregistre cette émission, donc. Pourquoi il fait un accent de merde? Je sais pas. Taisez-vous, je c'est mon personnage. Arrête. Je me suis mis dans mon personnage. Donc ok, je vais prendre ma voix normale. Alors voilà. Je suis un genre. La voix de FIP, Radio FIP, radio concurrente, ne l'écoutez pas. C'est quoi Radio FIP? C'est une radio qui est spécialisée dans les musiques d'ascenseur. Dans tous les ascenseurs de France, il y a FIP. Radio FIP. C'est vrai? Oui, ouais. Et au bout d'un moment, c'est une radio. C'est une radio qui passe des musiques dans l'ascenseur. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, sur les musiques de merde. Et donc, t'as une voix toujours qui te parle comme ça. Entre deux musiques, elle vous dit. Moi, ce qui m'énerve, c'est radio classique et qu'il y en a une qui a toujours une voix qui fait. Le concerto. Horrible. Là, il y a des voix comme ça, dans FIP, il y a des voix comme ça. Défenestré, quoi, quand tu dis ça. J'aurais vu dans FIP aussi leur petit jingle. Non. Ça te fait genre une petite musique et il y a marqué FIP Radio. FIP Radio, défenestré. Si vous voulez vous mourir. Si vous voulez vous mourir. Ne vous suciez pas d'être tout de suite, on a plein de programmes intéressants. Radio Suicide. Bon, allez, Charlie. Charlie. Suicide Value. Charlie, Charles, Chuck. Non, c'est pas personne m'appelle Chuck. Charlie, passionné de chasse et pêche, tout ça, c'est ma passion de la vie. Le merlu d'ailleurs, le merlu, on a fait une émission de. Non, mais ben moi j'ai 16 ans, à peine. Donc, c'est un peu le petit. Voilà. Je peux pas voir des films moins de 17 ans. C'est ce qu'il a que 16 ans, en fait. C'est vrai. Non, et j'ai 16 ans. Moi aussi, je passe le bac de français dans pas longtemps. Bac L. Voilà, vous devez bien rigoler. Bien drôle. Non, bac L. Il doit bien se foutre de ma gueule. Mais c'est dur quand même, hein. Il faut arrêter les vannes sur les L, comme quoi on fait rien et tout. J'ai envie de dire, on lit des livres. Voilà. On fait déjà notre truc. Déjà, qui a déjà fini un livre? Voilà. Ben, moi, j'ai lu. Charlie arrive. J'ai lu, Il en a lu plein, en plus. Non, j'ai pas lu. Mais je me donne. Mais il fait tout comme. J'ai la meilleure moyenne de ma classe en français quand même, hein. Voilà. Alors que j'ai jamais rien branlé de l'année. Ça, c'est une performance. Ça, c'est une performance de champion. Au deuxième trimestre, en tout cas. Alors qu'au troisième trimestre, je pense que je vais me faire sodomiser sur le bidet, on peut dire, au niveau métaphorique. D'accord. Ah, mais maintenant, comme moi je suis en L, je vais utiliser plein de termes techniques compliqués, hein. Des métaphores. Ouais, non, mais ils vont pas comprendre. Allitération L. Allitération L. Allitération L, c'est genre, si je dis, non, par exemple. C'est la répétition. Question, c'est serpent qui siffle sur votre tête, tu connais pas? Oui. Référence à anti, non, c'est dans quoi? Bon, on s'en fout. C'est un voilà. De racine. Voilà. Voilà ce que c'est de faire parler un L trop longtemps. Passons déjà à la Swan. Allez, vas-y, à Swan. Moi, je m'appelle Swan. J'ai 17 ans aussi. Je suis plus vieux que Charles. Mais allez, je suis, enculé, mais je suis toujours en seconde, par contre. Hein, j'ai redoublé. Et l'année prochaine, j'ai pour projet d'aller en L aussi. Parce que, je peux pas aller ailleurs. Son idole et qu'il aimerait bien marcher dans mes passes, dans mes traces. Non, pas du tout. C'est juste que j'ai une moyenne de merde. D'une certaine manière, j'ai envie de dire. Voilà. Mais la L, c'est un peu chiant parce qu'en fait, le prof de français, genre, il prend un livre. Et genre, tu sais, des fois, il y a marqué, genre, Michel bu un verre d'eau. Et le prof, il dit ça, il dit, et là, Michel bu un verre d'eau, c'est clairement une critique sociale, économique, métaphorique de la crise économico-sociale en Biélorussie de 1945. Je suis désolé. Ça, c'est que des trucs comme ça que l'auteur, il a jamais eu l'idée d'écrire ça. Et des fois, j'aimerais trop que l'auteur, il vienne. Et qui parlait de son livre et qui lui mette une gifle. Il lui balance un verre d'eau. Il balance un verre d'eau à ton prof. Et tu sais, le prof, merci pour cette petite gifle, ça va. Non, mais se faire remettre une gifle par Honoré de Balzac, sort comme un château, c'est quand même un honneur. Ça doit être bien ou pas, hein, putain. Mais les profs de français, crois pas, ils se feraient chier dans la bouche par Molière, hein, même si c'est Molière. Ah, c'est Molière. Voilà, ouais, ma chef, je me l'étale sur le corps. Ah oui, c'est Molière. Et je me prends en photo avec aussi. Ah là là. Bon. On va aller à la source même de Freeze Radio, à savoir les canulars. Tout d'abord, on va commencer, parce qu'on avait récupéré, faudrait qu'on arrête les actions des c'est vrai, arrêtons. Ouais. C'était un automatisme des secrets. Les passionnés du Limousin. Non. Les embouteillages sur la 68. T'as déjà regardé les radios, France 3 Provence? Ça m'est arrivé. France 3. Ça m'est arrivé. Ils ont tous des accents, les mecs, voix off. Comme Michel, ouais, comme oui, Elia, oui, c'est un peu chiant, ça fait pas sérieux. Et puis quand tu mets Nord-Pas-de-Calais, quand tu mets France 3 Nord-Pas-de-Calais, ils ont tous l'accent du Nord-Pas-de-Calais. Ah ouais. C'est un accent comme ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est le ton des journalistes. Imagine. Michel a acheté un appartement. Imagine. Moi, c'est comme ça. Personne ne parle comme ça. Imagine, ça parlait vraiment comme ça dans la vraie vie. Ouais. Chérie, va faire la vaisselle. Imaginez France 3 Corse. Michel a tué son pape. Le papa de Michel. C'est... Ah, ça m'a cassé les couilles. C'est à cause de Doom, mais. J'ai pas mon portable, là. Moi, je l'ai, mais je l'ai. Voilà. Mais non, mais moi, j'avais le numéro de la mère qui gardait les bébés. Laissez-moi vous expliquer la situation pendant que Charles. Non, il est pas. Pendant que Charles et Swan vont se démerder à trouver ce putain de portable. Et ben, il est là. Voilà. Donc voilà, il est là. Donc, tu n'as pas eu le temps de le faire. Oui. Là, alors, on n'est pas du tout radio classique. Alors je vais vous présenter la situation. Un bonjour. Un bonjour. Michel, qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Bon, je recommence pour la troisième fois. Vas-y, Michel, qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Non. Je recommence pour la troisième fois, vous présenter la situation. D'accord. Alors, une belle journée de printemps, alors que Charles et moi nous dirigeons à un géant casino. Casino. Casino tout court. Ouais, parce que sinon, si c'est pas ça, ça change tout. D'accord. Nous aperçûmes le coin de petites annonces. Alors nous nous dirigeâmes vers le coin petit salon. Putain, l'utilise du passé, ça. Du passé. C'est du français passé, je sais pas quel français ça d'ailleurs. Passé simple. Mais moi, le truc que j'ai jamais compris en français, c'est proposition subordonnée de temps. Avec Madame Margisson. Complément. Mais arrête de dire son nom, ouais. Complément circonstanciel exposé degré 3. Mais ça sert à quoi, ça, dans la vie, ça? Ah ouais. Proposition subordonnée relative. En même temps, tu me diras, les identités remarquables. Putain, tout à l'heure, lui, si j'avais pas eu la proposition subordonnée relative, oh putain, j'étais dans la merde. Oh putain, comment je serais passé dessous le bus et je serais pas là en train de te raconter mon complément circonstanciel de temps. On est jamais qu'avec un tambour et genre à chaque fois qu'on sortait une vanille avec une batterie, il fait ting comme ça. Non, ça c'est un triangle. C'est un triangle. Non, ouais, mais je crois que je sais reproduire le son de la batterie avec moi. Moi, je sais jouer du triangle. Non, là, pas la batterie, pas ça. Tu sais, les trucs comme ça là, en forme d'assiette. Ah, les timbales! Ouais, et ben, les gongs chinois! Le avec ta bouche. Les gongs chinois. C'est tchin! En fait, c'est un petit accent chinois. Moi, je fais un. Ou alors un bruit de chasse d'eau, tout simplement. Oh! Oh! Il est bon! Pas mal. On pourrait t'envager comme ça. Ça fait comme un bruit. D'ailleurs, est-ce que j'aimerais savoir s'il y a des gens qui se manifestent? Est-ce qu'il y a des gens qui vont à Nature et Découverte et qui achètent des albums bruit d'eau? Non, parce qu'on y est tout à l'heure, mais. Eh ben, ça coûte 20€. Et c'est des bruits de pluie, c'est des bruits de vagues, des bruits de... Mais c'est vraiment de la trappe-pouillon, ça. Mec, 25, c'est le seul album que tu peux pas passer en soirée, oui. En fait. Mais la 25, elle est bien. Oui, elle est bien, vas-y. En fait, c'est... quand tu mets ça, c'est vie ma vie dans la peau d'un breton. Voilà. C'est ça. En fait, c'est Paris-Vin qui fait ça, en fait, parce qu'ils veulent savoir ce que ça fait, les bruits de vagues. Ah, c'est comme ça, la vague. Parce que moi, j'ai été qu'à Paris-Plage. Hein. Génial. Il y a pas de vagues. Je connais quoi, la Seine. C'est quoi, Paris-Plage? En fait, tu peux pas te baigner, en fait. Oui, Paris-Plage, c'est du sable. Ça sert à quoi, tu peux te baigner? Bah, c'est pour faire, genre, la plage. C'est pour faire, genre, je me prends en photo sur le sable, c'est pour manger. Je suis à Paris. Pour faire, ta terrasse, attends. Non, mais c'est pour faire comme si j'étais à la plage, je me prends en photo, et ouais, je suis allé à la plage. Je la mets sur Facebook. Non, c'est Paris plage. En mode, tourisme de masse, en col tout d'Azur. Mais ça sert à rien, en fait. Tu peux pas te baigner. Moi, tout l'intérêt de la plage, c'est de me baigner, je vais pas jouer avec le sable, en plus, le sable. En plus, ils ont même pas de sable. En plus, comment ça s'appelle quand on joue avec le sable? Ça s'appelle des pâtés. Ouais. Un pâté. Des pâtés. On va faire des pâtés. Tu sais qu'il y a un mec qui est mort, qui a creusé un trou dans la plage. Et qui a avalé un pâté. Et le truc, il est retombé sur lui. Ouais, ouais, il est mort, le mec. Oh, ça, c'est horrible. C'est vraiment. Il est mort de quoi? Pâté de sable. Ça a été fatal. Il a tenté un gros château. Il a pas résisté au sable mouillé. Mais en plus, le délire qu'on avait tous quand c'était petit, c'est enterrement, enterrement. Bah lui, c'est intérêt pour de vrai. Voilà. Ça lui a tellement plu que... Ah non, c'est ça, il est allé jusqu'au bout. Ah non, mais c'est nul, je peux bouger. Et alors, il fallait pas bouger. C'est ça le délire. Moi, quand j'étais petit, j'ai enterré ma sœur. Je pissais dessus. Allez, on va appeler cette femme. Appelons. Assez de blagues scatophiles pour maintenant. Cette femme. Ouais. D'abord, on va déterminer le locuteur. On n'est pas chez Coé, nous. On fait pas des blagues scatophiles. On a une mentalité un peu plus développée. Attendez, d'abord, on va déterminer le locuteur qui se sent de prendre l'appel. Moi, mais on lui dit quoi? On lui dit, tu veux enlever le bébé. Alors. Non, mais là, elle va appeler la police directe, oui. Alors, laissez-moi vous expliquer. Non, demande de garder les enfants, si elle veut nous garder. C'est une étudiante qui veut garder des enfants. Donc, soit on fait une voix de pervers, genre, je peux vous payer un naturel? Genre, t'arrives, tu fais. Salut, c'est Dominique. Venez garder mes enfants, j'ai non, mais là, elle va appeler Rudy, ça. Oui. Et là, tu vas débarquer, tu vas dire, non, oh, j'étais une petite blague. Pour Frit Radio. Oh là là. On gagne aussi le micro. Et tu l'as remonté, t'as vu? Comme tu fais? Oui. T'as vu? Oui. T'as vu comme tu fais? Oui, j'ai fait. Bah, c'est pas bien. Bon, d'accord. Oh, bien la morale. Bon, allez. Bon, j'appelle ou j'appelle quoi? Appelons. Bonjour, jeune femme. Alors, tu m'as fait t'as pas déliré la dernière fois, il a fait l'accent africain qui chantait Mylène Farmer. Vas-y. Mais je sais trop bien faire l'accent africain, là. Vas-y, chante Mylène. J'étais mal ténéqué dans mon équipe, ils m'ont appris. J'ai deux Congolais. Fais Mylène Farmer. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise avec Tu connais Tina? Ah oui. Je suis une quatrième. Il faisait trop bien. Moi, quatrième, je me dis bien. Tu quatrième. Et après, le reste, je vais le faire. Je suis libertine. Je suis une quatrième. Radio FM, vous êtes toujours avec nous. Radio autour du monde. Je suis un quatrième, quoi. Radio FM, toujours. Quatrième n'est pas confondre avec coton. Pourquoi? Quatrième coton. Ah ouais. Quatrième coton cochon. Ou... Allez, c'est parti. Il faut qu'on essaie de pas parler en même temps. Je prends, sinon, je prends ma voix de... Complètement. Je prends ma voix? Ou je... Prends ok, alors je prends l'appel. Je prends l'appel. Attends, parce qu'il va falloir... Ah ouais, ouais, il va faire l'accent sur tout le monde. Pardon. Bonjour, je ne suis pas disponible en ce moment. Oh, oh, c'est une jeune étudiante. C'est ta maman. C'est étudiante, manuelle sur la messagerie. Pas du tout. Cette personne a un pénis, ce qui signifie qu'il peut s'intégrer chez moi. Moi, je connais un truc tellement drôle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une musique et je vais aller chercher mon truc tarpin drôle et ça va être tarpin drôle. Et on revient tout de suite après ce truc. Alors la musique, c'est B.O.B. Never Let You Go. Ok. Allez, vous allez kiffer. Gros bisous les amis, à tout de suite. Là, si vous n'avez pas une énorme boule dans le bac d'allant quand cette chanson est finie, je ne comprends pas comment vous fonctionnez. Ben quand tu es femme, tu peux pas. Ouais. Quoi, les femmes, elles peuvent pas avoir une énorme tête au point. Bon, allez. Radio PMA sexuel. I'll never let you go. By the look in her eyes, I can tell that she knows that she's holding the fate of my world in her hands. Damn, for real, this was never the plan. It was never intended for her to end up the defendant. I guess it just happened by chance. Damn, and you hope, you hoping that a miracle happens. You pray that the judge doesn't bang that gavel so you can go back and avoid a disaster. And you can still be holding her hand. Like the last note of the saddest song, and like the last word at the end of a poem. You know, it's nothing worse than being alone. It's funny how you never know what you got till it's gone. They can take these clothes off my back. They can take my money, don't care about that. No, no. They can take my words, all I've got. They have this fame, it ain't worth a lot. Only thing I know. I'll never let you go. Won't let you go. No, never gonna let you go. Won't let you go. No, never gonna let you go. Won't let you go. No, never gonna let you go. Go. Won't let you go. No, never gonna let you go. What's the one thing in this life that you live for? Who do you know in the world you would die for? Who would you lie for? Who if they committed a crime you would stop on a dime and do time for? It was me she would ride for, but now it's her that I cry for. Now I'll give it all away to get her back, 'cause she ain't free, no, this ain't no July 4th. Yeah, I know it don't sound logical, but there's some things in this life that you gotta do. But the one thing in this world that's got to you, I let it all go, but I ain't dropping you. They can take these clothes off my back. They can take my money, don't care about that. might be wrong or might be right, but there's no looking back and we won't sleep tonight. We're living while we're young and this is worth the fight, even if I lost it all. S'entraîne à imiter une femme. Oui. Pour une petite annonce d'une femme qui cherche un pompier. Alors qu'on vous explique, Ok, je vais leur expliquer. Alors pendant cette musique de Biobi qui était magnifique, qui vous a donné des frissons, un barreau pour les garçons et de l'humidité pour les filles. Ah, ça rimait. Tu nous as donné des frissons, un barreau pour les garçons. Ouais, bon, d'accord. Eh bien, nous avons cherché sur internet. Parce qu'une femme, la dernière fois, il y avait une femme avec un barreau, elle est passée, elle a dit attention, je mouille. Ça me fait rigoler. Donc voilà. Donc, nous avons cherché les petites annonces et nous avons vu entre deux fessiers. Parce qu'en fait, ouais, c'est que les trucs de c'est cul. Que les trucs de cul. Donc, on a cherché une annonce sérieuse et c'était une femme qui voulait refaire sa vie avec un pompier sur Paris, avec un homme. Un grand H. Avec un grand H. Voilà. Donc c'est pas elle qu'on va appeler, en fait. Donc c'est pas elle qu'on va appeler, puisque malheureusement, elle ne nous a pas laissé son numéro de téléphone. Oh, la salope. Ah, Soaz, tu crains, la Soaz, hein. Donc, en revanche, nous avons le numéro d'un pompier qui lui a laissé son numéro, donc. Un peu compliqué, tout ça. On dirait voilà. Inception, le truc. Bon, voilà, bah, écoute, c'est pas grave. Mais je t'ai bien expliqué, quand même. Donc, on a plus beaucoup de batterie sur mon ordinateur, donc je vais le mettre en charge. Voilà. Donc, nous allons appeler, et je vais prendre une voix de femme. Cette femme s'appelle Françoise. Non, c'est qui appelle? C'est moi? Non, moi je veux le faire. Parce que il faut qu'il recule, hein, parce que oui. S'il y a 36 femmes qui commencent à parler, s'il y a 36 femmes qui commencent à dire oh monsieur le pompier, ah. Tu m'as mis un coup de chargeur dans la gueule. Ça commence à partir en fouille, ou plutôt en clitoris. Joli, ça c'était pas mal. Tout le monde a fait Si tu l'appelles en anonyme, si tu l'appelles en anonyme, le mec il va te dire un peu bateau. Mais en même temps, si tu l'appelles, il va pas l'appeler, pas en anonyme. Il va me rappeler. Oui, Françoise? Non, attends, bah, non, je m'en bats pas les couilles. Tu vas essayer de te faire non, ils sont d'autres. C'est pas mal. Allez, allez, vas-y. Surtout un pompier. Je rigole, bien entendu. Bon. Je n'aime pas les C'est pays. Qui prend sa voix de femme? Je les aime dans les pantalons. Avec alors, attendez. Attendez, si vous voulez, sinon, on en fait deux. Charles, tu commences. Et moi, je ferai celui d'après. Non, non, non, non, non. Oh, tu commences alors? T'as insisté, c'est toi qui appelle. Allez. D'accord. On se dégonfle pas, on appelle, hein, ne vous inquiétez pas. Attends, faut que je remonte. J'espère pour voir le site. Répondre, sans déconner. Sur Créteil Hulks. Ce site. Ça y est. Je vais prendre cette voix. Oh putain. Pour vous écouter. Je dirais que j'ai les dents très blanches. Et un clitoris en parfaite santé. T'as vu ce décolleté de sauvage qu'elle a mis là? Ah, elle a envie de partager et câliner un pompier. C'est-à-dire quoi, partager? Alors? Ah, vous pouvez me laisser un message, je vois. Non, mais les gens, ils n'attendront jamais. Il y a un peu ce petit truc, tu vois, quand tu as quelqu'un qui t'appelle en anonyme, t'as un peu envie de répondre. C'est vrai. Bon, laissons ton pied Soaz et son sapeur-pompier. Oui. Et ses dents blanches. Soaz, ses dents blanches et son décolleté de sadomaso. Ouais, non, mais rappeler quelqu'un, faut arrêter les particuliers, je pense. Ouais, c'est vrai. C'est faire, comme la dernière. Passons à page jaune! Jean-Marc et tout ça. Qui? Jean-Marc. Oui, oui, je fous, là. Putain! T'es pas énormissime. On a un fou qui nous a marqué. Avec la tondeuse de l'arrière-grand-mère. Ce mec, un roumain, je crois, il avait fait peur, moi. Oui. Moi, je propose de renouveler l'expérience, mais je ne me rappelle plus. Du numéro, putain. Ah, on va rappeler lui, tu veux? Je sais pas. Et non, mais on se souvient plus de qui c'est. On se souvient plus. Je sais pas du tout. Laisse tomber là, Jackie. Hein. Enlève-toi vers un bac professionnel. Hein. Alors, Moi, alors, je propose d'appeler quelque chose. Moi, je propose d'appeler quelqu'un pour faire un canular, pour se procurer du plaisir mutuel. Voilà. Non, moi, je propose rigoler d'appeler ensemble. Alors, un truc de massage. Ah oui. Ouais, on appelle massage Sophie Camille par un autre massage. On appelle. On pourrait appeler. Quoi? Non. Ouais. Un centre de massage qui se termine avec un massage particulier, non? Et on dit, et vous faites des massages que le dos, ou vous faites des massages un peu plus en longueur? Vous descendez un peu, vous descendez. Attends. Pas. Donc c'est bon là, on cherche? Allez, c'est parti. Cherchons. Centre massage, moi, il faut mettre une ville. Paris, hein. Paris, ouais, allez. C'est la plus grosse ville. C'est la capitale. Non. C'est la macrocéphalie française. La plus grosse ville de la France, c'est Marseille. Et là, on a deux choses. On a Institut de beauté ou relaxation. Relaxation! Ok, relaxation. Oh là là, et lui, il clique sur Institut de beauté. Et je vais tout le monde faire relaxation! Lui dit, ok, Institut de beauté. Et je valide la sélection. Valide. Attention, le sas de Marrakech, mon dieu, non, pas là. Attends, si, c'est bien ça. Veuillez couvrir les saveurs et couleurs du sud dans un cadre chaleureux où se mêlent les senteurs de jasmin, après. Non, mais là, on trouvera pas notre bonheur. Mais si. C'est pas mal quand même, hein. Lire la suite, fais lire la suite. Je fais lire la suite. Vas-y. De toute façon, je vais vous dire pourquoi on n'arrivera à appeler personne, parce que c'est férié. Exact. Voilà. Bon, ben... On va quand même tenter. Si, non, mais tu as pas vu tout à l'heure, on était en ville, il y avait plein de magasins ouverts. Ouais, mais ça va être fermé, ça. Bah non, justement, les gens, c'est pareil, ils profitent. Mais oui, nous allons tenter. Allez, c'est parti. Si tu veux. Nous allons appeler, donc, dans le 5e arrondissement de Paris. Mais si jamais les auditeurs ont fait une émission de que des répondeurs, ils vont dire, what the fuck, c'est bon, allez, va faire. Ne vous inquiétez pas. 01, c'est normal. Répondeur radio, c'est Paris. Welcome to Paris, motherfucker, stupid nigger. Si tu veux, ouais. Excuse-moi. Vous n'avez pas changé, je vous rassure. Oui. Mais nous, on appelle pas FN. Allez. Enfin. Non. Moi, je veux te. Ben, je veux te blâmer, moi, hein. Je suis raciste. Mais le problème. Ouais, mais attends. Le Pen, c'est une raciste, elle a dit de voter blanc. Bien. Voilà. Personne n'a. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allô. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je serais intéressé par un de vos massages. Donc, c'est pour prendre un rendez-vous à la limite mercredi, demain. Oui. Voilà, je voulais savoir quel type de massage exactement c'était, quoi. Comment? Je voulais savoir un peu quel type de massage c'était, quoi. Relaxation tonique, monsieur. C'est-à-dire relaxation, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez par relaxation exactement? Comment? Qu'est-ce que vous entendez par relaxation, exactement? On fait pas de massage érotique, hein, c'est ce que vous cherchez, monsieur, hein. Ah bon? Voilà. Oh, c'est bien dommage, ça, Lyon. Et si jamais je rajoute des sous? Salope! Oh, putain! On fait pas de massage érotique, si c'est ce que vous entendez. Bah, allez, on va en faire un chacun. Mais tu masques quoi, alors? Bah, le dos. Mais quel intérêt, alors? Mais quel intérêt de masquer? Je comprends pas, de masquer. De masquer le dos. Masquer l'eau. Ça fait mosquito. Bah tiens, c'était ouvert alors. Bah, excusez-moi, j'ai fait ma gueule. Bon, allez, alors ça, c'était celui de Charles, l'Institut des Cléors. Celui qui arrive à prendre un rendez-vous pour un massage érotique par Maillard Jean-François. Alors, lui, je le respecte. Hein. Allez. Tu dis votre photo, ça va créer de l'effet. C'est Arthur qui va prendre. C'est Arthur qui va prendre Maillard Jean-François. Apparemment, l'homme est tout seul. On dirait Bernard Laporte. C'est pas vrai. Bernard Laporte. Qui vous en présentiez, c'est le sosie français de Bernard Laporte. Voilà. Il a l'air pas mal. Tiens, tu fais appel et dès qu'il y a le petit signe haut-parleur, tu fais les lieux. Et oui. Ok, d'accord, après on écoutera. Il faut que j'arrête de couper. Moi, c'est toujours moi qui coupe. Allez, attention. Je suis un coupeur de génération. Je vais me faire passer pour homosexuel. Ah ouais, tu dis. Non, mais tu vas pas direct. Tu dis, je vais me faire matcher le cul. Tu dis pas ça direct. Non, ne vous inquiétez pas. Tu fais des petits chemins. Ne vous inquiétez pas. Nous ne les oublions pas. Bonjour, vous êtes en communication avec le cabinet de Nathalie Bello-Levaux. Comment ça? Moi, je veux pas Nathalie, moi. Mais je ne veux pas Nathalie. 01. Mais je viens d'appeler le 01. Bon. T'appelles le 06 alors. Non, je ne vais pas appeler. Mais bien sûr que si, t'appelles le 06. Bon, d'accord, j'appelle c'est le 06. C'est limité les portables. Ouais. Ouh. Bon, alors. C'est limité. Ouais, mais on fait pas de la pub. On dira pas ce que c'est son forfait. Ouais, ouais. Pour 20 euros, c'est limité. C'est pas ça. Bâtard. Allez. Albatar, hein, carrément. Massage californien, c'est quoi des massages californiens? Ben écoute, si ça rate, eh ben je te le dirai en composant le numéro suivant. Japonais, taille, le mec, il a fait tous les pays du monde, il fait un massage. Tu sais. Je fais des massages autrichiens. Je fais aussi des massages irlandais, il n'y a pas de... Massage Martinique. Massage Tony. Vous êtes tout tendu là. Allô? Il faut le mettre à l'oreille, le téléphone, ça ne marche pas, monsieur. Le monsieur ne nous a pas adressé la parole. Bon, c'est la merde. C'est la merde totale. Massage, le soleil, le vent. Non, alors eux, s'ils font pas, alors, eux, s'ils font pas les trucs érotiques, oulala. C'est de qui crier, sinon, hein, sinon, les parents, écoutez. Ouais, massage à la tête. Mais au moins. Alors, on va demander ce que c'est du massage californien, d'abord, j'aimerais savoir. Et tantrique, tant. Tantrique, qu'est-ce que c'est que les massages tantriques? Qu'est-ce que vous entendez par tantrique? C'est quand j'ai la trique. Massage qui tente. C'est quand j'ai la trique, vous la tentez? Galerie photo. Oh. Écoutons. Alors, bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Je suis désolé. Mais rappelle. C'est Charles qui a fait. Elle a été trop bien sur toi. Je compte me suicider en fin d'après-midi. Non, tu rappelles et tu dis excusez-moi, on a été coupé. Mais non, non, tu dis pas que c'est toi. Enfin, bah, les gars, c'est un Oh, ils sont cons, hein. Ils sont cons, ces jeunes. Tu demandes ce que c'est un massage tantrique. Hein, moi, je massage... Ah oui, tantrique. Ça. Ne rigole pas, elle va faire sa voix de Doc Génico. Attention, attention. Allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Elle a qu'un seul mot dans son vocabulaire, c'est bonjour. On la rappelle, on la rappelle. Bon, je refuse. Ah ouais, je refuse l'appel. C'est moi. J'en ai marre de cet appel. Ok, ça va. Ah oui, j'en ai marre d'entendre des bonjours à tue-tête. Bonjour. Mais ça fait tellement rigoler au début qu'après t'as plus d'effet. Tu t'ennuies? C'est où? C'est celui-là? Non, c'est le dernier. Non, ouais, c'est celui-là. Ouais, bah, faut appuyer deux fois sur le verbe, mon ami. Attends, faut que je chope mes couilles. Mais voilà, conne comme une mouche. Ah oui. Parce que ça fait deux fois la fête. Ça fait deux fois la fête. Sinon, rappelle, t'as pas une réaction. Quand j'en garde. Donc, tu peux appeler. Une fois qu'il y a le petit signe au parleur, tu appuies sur ce bouton et après tu fais oui. Fais-le. Faut que tu prennes une autre voix. Non, mais faut que tu le tiennes. Non, mais je le tiens. Non, non, c'est bon. Celui qui appelle le tien. Celui qui appelle le tien. Mais tiens, tu sais, je suis sûr qu'elle s'énerve, elle garde sa voix. Mais ça fait chier, là. Vous êtes qui? Tu pisses dans le canyon. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, bonjour. Bonjour, massage du soleil levant? Oui. Oui, voilà. Alors, voilà, ce serait pour prendre un rendez-vous pour un massage, hein. Et oui. Je voulais savoir, qu'est-ce que c'est qu'un massage tantrique? Exactement. C'est un plutôt essentiel. Ah! Ah d'accord, ok. Oui, d'accord. Et un massage californien, c'est quoi? C'est la même chose que Trandic. Trandic, d'accord. Ok. Ah, c'est vrai que vu sous cet angle-là, ça dit... Et un massage chinois, alors, c'est quoi? C'est un massage normal. C'est un massage normal, d'accord. Et il n'y a pas les massages un peu... Hein? On s'est compris, quoi. Parce que j'ai vu votre photo, c'est un peu... Oh. Oh, réveille-toi, là. Vous voulez faire comme massage? Ouais, bah oui, hein. Oui. Et alors? Et alors quoi? Et alors oui ou alors non? Et alors comment? Bah ça va, quoi, vous avez compris ce que je veux dire. Oh, elle m'a raccroché! Oh non, mais... Ah non, elle a pas raccroché. Allô? Ah, elle a raccroché! Ah non! Oh non, oh non, oh non. C'est quoi un massage tantrique, j'ai pas compris. C'est tamatada. Tamata tantrique quoi. C'est tamata tantrique. Putain, on est vraiment des racistes. Oh là là. C'est horrible. Bon, non, c'est pas vrai. Pour vous faire chasser le temps. Les gens qui ne sont pas comme ça. Donc, on va écouter une chanson. Oui, c'est la mienne. Ouais, c'est de Arthur. Massage jamaïca là. Voilà. Et bon, là, on va se ressaisir dans l'américanisation du monde en s'écoutant c'est Florida. Florida Whistle. Voilà, qui est un son pas mal. Lâche-moi ma baguette magique, non ? Allez, gros ça bisous. C'est vachement compromis cette chanson. Lâche-moi ma baguette magique. Gros bisous. On se retrouve après ça, allez. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a look. Blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Shawty don't even know she can get in it for the low. Told me she not a pro, it's okay, it's under control. Show me soprano, cause girl, you can handle. Baby, we start selling, you come up in park clothes. Girl, I'm new, so my Bugatti the same nose. Show me a perfect pitch, you got it, my banjo. Talented with your lips like you blew out a candle. So I'm using, know you can make it whistle with the music. Hope you ain't got no issues, you can do it. Even if it's no bitch, you never lose it. My whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. While you work it, I'ma lay back, don't stop it. Cause I love it how you drop it, drop it, drop it on me. Shawty, let that whistle blow, oh, oh, oh. Yeah, baby, make that whistle blow, oh, oh. Can you blow my whistle? Alors, j'espère que cette musique vous a donné des frissons, les amis, parce que c'était franchement une musique qui avait du sens et de la vie, quoi. Donc, on est toujours à la recherche d'un massage érotique. Oui. Pas d'un massage érotique directement, mais d'un massage où il y aurait, on va dire, des petits débordements. Un massage normal qui pourrait se suivre de massage un peu plus exotique. Un massage... Mais t'as remarqué comment on se fait insulter quand on est déjà... Un massage à la DSK. Ouais, voilà, un massage Sofitel. T'as vu, un massage d'assiste à tout. Comment on se fait virer, comment on fait? Donc on va appeler monsieur Cohen Franck. Qui est kinésithérapeute. Son prénom c'est Cohen. Ah non, il a AVC. Il a AVC. Le boum. Alors il masse des personnes âgées. Ah non, non, moi je veux Kiné Kléber. Quoi? Non, on essaiera après, mais il faut que tu fasses une voix de vieux. Tu dis j'ai mal au dos. Ah ouais, c'est bien ça, oui, pied africain. Bonjour. Sur Radio FN. Allô. FN. FNFM! Voilà. Radio Gros Port. Ah. Radio Khalouf. Je peux mettre mes numéros. On n'a aucun problème avec la viande Khalouf, voilà. C'est très bien, mais alors, la viande Khalouf, ouais. On n'a aucun problème avec la viande Khalouf. Avec personnellement, je n'ai rien contre la viande Khalouf, moi. Et ça ne me dérange pas qu'il y en ait au côté. Eh oui. Allez, c'est parti. Tiens, c'est toi qui chope tes couilles, hein, parce que moi, je me suis fait Togenico. Je vais essayer. Togenico, je vais essayer. Comment ça va être, comment ça? Allô, j'ai mal aux zizi. Je dis ça. Allô, tu dis bonjour. Tu fais une voix de vieux. Hein. Bonjour. Allô. La sonnerie est assez particulière. Allô. Allô. Oui. Bonjour. Bonjour. C'était pour savoir, parce que j'ai mal au bassin. Oui. Et est-ce que vous êtes kiné, c'est ça? Oui, oui, monsieur, absolument. Ah, eh bien, est-ce que vous faites à domicile? Parce que moi, j'ai des problèmes pour me déplacer. Vous habitez où, s'il vous plaît? Dans le 14e. Ok, là, ça fait un peu trop loin. Je suis occupé, je suis en train de travailler, je viens de vous laisser. Excusez-moi. D'accord, mais moi Mais non. Oh putain, il est pas con. On a dit vieux, bah les cons, c'est vieux. Allo. C'est quoi ce vieux là? Allo. C'est la première voix qui m'est venue à l'esprit. Écoutez, on fait tous les erreurs dans la vie. C'est pas grave. T'avais comme ça. Bon, on rappelle quoi, Franck? Non. Apparemment, il était en train de masser le cul d'un vieux. Ce serait un peu bizarre si t'appelais un homme et que tu faisais des propositions à un homme. Effectivement. Avec une voix comme ça? Non, avec une voix d'homme. Avec une voix comme ça? Ouais, non. Ça non, avec une voix. Mais c'est ma voix normale. Avec une voix comme ça. Ah ouais, comme ça, ça fait gros motard, bike. Oui. Des VH people. Alors, on appelle Miska Cyril. Miska, on dirait un médicament. Miska! Non, Miska, pas Miska. MCK. MCK, ça veut dire je suis malade en anglais. MCK. Ah, lui, il était fait pour travailler dans le médical. Qu'est-ce qu'on va écouter après? Ah, je sais pas. C'est à soi. Ah, je crois qu'il y a marqué pénis, regarde, réduction périnéo. Ça se concerne de jeu le pénis. Pot of gold, non? Ça va, ok. Pot of god, le pot de Dieu. Allez, c'est parti. La balle d'Atuko? Non. Allez, on appelle MCK, Cyril. Je dois faire quoi? La voix de... Tu fais une... Non, parce que là, il va dire le premier, il va dire petit, petit connard. D'accord. Là, tu fais... Essaye de faire vite. Pense à Vin Diesel. D'accord. Je pense à Vin Diesel. C'est pour ça que tu as une boule dans ton pantalon. Allô? Allô? Oui? Bonjour, est-ce que je vous dérange? Allô? Allô, monsieur? Oui? Oui, bonjour, vous êtes bien MCK Cyril? Oui. Bonjour, j'ai besoin d'un kinésithérapeute. Est-ce que vous êtes très occupé en ce moment? Oui. Ah, merde. C'est dommage. Ben, vous voulez que je m'adresse à un autre kinésithérapeute? Et pourquoi, monsieur? C'est surtout pour le bassin, le bas du ventre et tout ce qui est région pas très catholique. Ouais, bon, ben, allez dormir. Oh, d'accord. Bon, eh bien, je vais me diriger vers mon oreiller. Il a raccroché. C'est la merde. C'est vous, c'est le conseil de merde. Vous pouvez mieux aller dormir. Vous pouvez mieux aller dormir. Oh, il m'a dit d'aller dormir. Oh, il t'a clashé. Il va dormir. Bon, laissons tomber les massages. Massage des pieds. J'ai des verrous sur les pieds. On voulait arrêter les canulons. Grâce à Freeze Radio. Non, mais c'est bien. Non, et si jamais je dis j'ai des verrous sur le pied, est-ce que c'est un problème? On va appeler Michaud. Ah, tu fais un gros truc dégueulasse, genre des ferrons. Mais ils sont pas méchants. Moi, je fais ça. Grâce à Freeze Radio, vous vous ferez masser l'intégralité de votre corps de façon sensuelle ou tonique. Voilà. Richard Jean-Luc. Ils s'appellent tous Richard, regarde. Richard Patrick. Richard Jean. Oh putain. Richard Arnaud. Richard Kiné. Richard Marie-Hélène. En plus, mon Richard Kiné à moi, il s'appelle Richard Georges. T'as donné son nom. Oui, parce qu'il est très bien pour lui faire de la pub. Allez, chez Richard. Ah, il y avait encore une psychiatre Cyril. On va appeler Patrick. Lequel? Et je lui dis que j'ai mal au pied. Et je dis, par contre, j'ai des plus roncles sur le pied. Je dis ça, d'accord? Ok, alors, pour nos auditeurs. On appelle qui? Richard Patrick? Ouais. Pour nos auditeurs et pour moi-même, qu'est-ce qu'un plus roncle? C'est une grosse boule sur le pied à caractère plein de pus. D'accord. Voilà, donc Freeze Radio, c'est pas les munitions qu'il faut écouter en mangeant, hein. Sinon, tu finiras pas le gigot d'ail. C'est bon, tu as le numéro? Moi, en attendant, je vais taper furoncle sur Google. Je sais pas ce que c'est qu'un furoncle. Non. T'es sérieux? Oui, mais moi. T'as bien mangé, t'as pas trop mangé, ça va? Non, non, ça va. Parce que là, c'est. D'ailleurs, j'ai très faim. Qu'est-ce qu'un furoncle? Comment ça se guérit? Non, mais attends, tu vas aller voir l'image. Ouais. Voilà. Ah! Donc ça, tu vois, le petit truc blanc, c'est du pus, bien sûr. Ah! Avec des pommes de terre, c'est super bon. Si vous n'avez rien à faire, tapez furoncle. C'est dégueulasse. Tapez furoncle. Ah non, mais attends, ça existe pas, furoncle. Furoncle fesse. Non, mais t'es pas obligé de faire ça. Regarde, le mec, il est en train d'éclater le furoncle à sa meuf, et il a une idée, c'est de prendre une photo. Ma foi. Un petit moment familial. Non, non, mais alors on va faire verrouiller le couple pour plein se retrouver. Attends, on regarde ça, c'était bien. Bah, on va regarder. Je sais pas. Vas-y, verrouille plein terre. Alors, mon père, s'il tombe sur mon historique, il va se poser des questions. Verrouille plein terre. Verrouille plein terre, voilà, j'aime les verrues. Voilà, papa. Oh là là, ça c'est beau ça. Lui, elles sont pas mal. En plus, le mec, apparemment, il a complètement abandonné de se couper les ongles. Il a préféré laisser tomber. Ah, je l'avais, celle-là. Elle est. Ah, dégueulasse. Je l'avais, celle-là, quand je Elle est crasseuse. C'est pas mal. Tu sais, quand tu l'enlèves, qui n'en a pas eu des verrues quand il était petit, hein. Quand tu l'enlèves, ça fait tard pas mal. T'en as jamais eu un? Moi, j'en ai eu dans les pieds. Ah oui, oui, bah oui. Tu te rappelles? Le mec, on disait. J'avais des pansements la nuit. Ouais, ouais, et il a pris une gomme pour le spa pour se les enlever de ma mère, tu vois. Voilà. Dans toilette de ma mère pour se les enlever, pardon. Parce voilà. Pour se les enlever de ma mère. Bon, allez. Bon, qui c'est qu'appelle? Bah, c'est toi. Ouais, c'est j'appelle qui? Allez, Charles. Richard Patrick. Allez, Swan, pardon. Soit. Richard Patrick, donc, et tu. Alors, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait le réalisateur qui annonce le rôle à son. Je t'écoute. Donc, t'as des furoncles sur le pied? Il est dans le 11ème. Non, non, des verrues plantaires. D'abord, tu t'appelles des verrues plantaires, tu t'appelles Michel. Michel Dubois. T'es dans le 11ème. Et t'es dans le 11ème. Il est où? Parce que lui, il est dans le 11ème. Ah, ben non, c'est trop cramé. Bon, alors, dans le 12ème. À côté. Non, mais, mec. Dans le 12ème. Okay. Mais non, c'est pas à côté. Si, si, si, c'est à côté, parce que Paris, ça fait des arrondissements, c'est à côté. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Bon, ça va. Je suis. Donc, je m'appelle Michel. 12ème et demi. Quoi? Ça va. Michel Dubois. Tu as, 40 ans. Ta femme est morte en ce moment. Mec, c'est, il vise le style. Tu t'appelles Michel Dubois, c'est ça? C'est son nom de couverture. On dirait le mec qui va se. Comme à. T'as jamais vu les acteurs? Comme à la CIA. Ils sont là qui. Avec des hommes qui ont des verrous. Allez, Swan. Ça. Avec tes cœurs avec toi. Moi, j'ai la tête dans le poussin. Pense à... Ta gueule, ta gueule. Bonjour. Bonjour. Ah, le bâtard. Bah, tu fais celui d'ici. Allez, appelons Richard Dojon. Richard Dojordan. Qui se rappelle de cet individu? Quelle gueule. Pourquoi tu donnes les noms comme ça? Parce que c'est ce chinois, cette racaille chinoise m'a assez marqué dans ma vie. Allez, défoncé. Allez, c'est là qu'il te défonce. Non, moi je me battais tout le temps avec lui, c'était rigolo, mais je suis sûr que si jamais je recroise dans la rue, ce serait bien. Je suis sûr qu'il est très aimable, comme bien sûr. Il est mort là. Oula. T'es calme. Donc il était. Ah, j'ai une fois. Tu l'as jamais pris en j'ai rentré trop lourd. Quand je profonde, bah non, quand je profonde, il ne glisse pas dans les films. Okay. Mais ça c'est des particuliers, on n'aura jamais personne. Hein. Oui. Mais voilà, pourquoi tu peux appeler des particuliers? Faut appeler Frog Cohen. Non, non, on l'a déjà eu, il va péter le plomb. Kléber, à Paris. Kléber, on l'a pas eu. À Lyon, à Lyon. Ah, on n'a pas eu Kléber, bah, non. En plus, il y a trois numéros, alors le mec là, il peut pas nous semer. Le mec, ouais. Il peut pas nous semer. En plus, il est chez Free parce que ça commence par 09. Et alors? Non, c'est aussi un fixe à Paris, je crois, 09. Non. Non, c'est 01 et fixe à Paris. On s'en va, t'en va. Il y a un mouche qui pète. Bon, on va pas faire des canulars toutes les missions, hein. Mais non, non, vous inquiétez. Dernier. Parce qu'en plus, pour l'instant, c'est que des répondeurs. En plus. Répondeurs FM. Du coup, on pas longtemps. On écoutera une autre musique. Les plus beaux répondeurs de France. Kléber, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ce serait pour prendre un rendez-vous. Vous faites des massages? D'accord. Un rendez-vous? Vous êtes monsieur? Monsieur Michel Dubois. Vous êtes déjà venu? Non. D'accord. Alors, Vous faites des massages des pieds, c'est ça? Je vais juste prendre votre numéro de téléphone, on va vous rappeler en fait. Moi, je suis stagiaire, il va vous rappeler dans d'ici une heure. Monsieur Michel Dubois. Non, non, je voudrais pas qu'on me rappelle, s'il vous plaît, parce que c'est pas mon numéro, c'est un numéro jetable. Ah, c'est un numéro jetable. Ouais. Non, mais mon téléphone est cassé. On va pas vous rappeler alors. Mais mon téléphone il est cassé. Pardon? Allô? On fait comment? Alors attendez. Ouais, sinon vous vous rappelez d'ici 3/4 d'heure. Que je vous rappelle, mais okay. mon abonnement finit dans 1/4 d'heure en fait. Pardon? Mon abonnement là, il finit dans 1/4 d'heure en fait, parce que c'est un numéro jetable. Non, mais là je peux pas prendre de rendez-vous là. Ah bon, mais pourquoi? Parce que le kiné est en train de... Non, parce qu'en fait, j'ai très mal au pied parce que je crois que j'ai une verrue plantaire, en fait. Vous avez une verrue plantaire? Ouais. Et ce serait bien si vous pouvez me la masser parce qu'elle me fait mal. Oui, mais alors, dans ce cas-là, si vous avez une verrue plantaire, il faudrait plutôt aller voir un podologue. Ou un dermato. Allez, ma gauche. Un protologue. Un potologue. Non, attends, j'aime bien la podologue. J'ai une verrue plantaire, est-ce que vous pouvez me la masser? Oh, tu vas chercher une excuse. Non, Swan, non, non. Mon téléphone est surtout détruit. Swan, là, c'est celui qui a le mieux réussi, mais aussi qui a eu de la chance parce qu'il est tombé sur le stagiaire. Ouais. Le stagiaire, il est en galère. Premier, non, il faut les mettre. Ah, il s'est gavé. Il faut les mettre en galère. Allez, Swan, t'as gagné le droit d'annoncer ta musique. Allez, vas-y. Alors, nous allons écouter une musique de The Game et Chris Brown, qui s'appelle Pot of Gold. Voilà, donc j'espère qu'elle vous fera plaisir et qu'elle vous fera hérisser tous vos poils de partout. Même dans la nuque le plus profond. Même dans la nuque. Et même sur le pénis. Ça fait un porc épique. Voilà. Allez, après cette petite bague, c'est pas, on se retrouve juste après ça. Is not for me. I close my eyes and imagine I'm home. I miss the days when life was simple. What if I never tried to follow that rainbow in search of the fire to cold? It's a mother out there right now, about to have the next LeBron, searching for a pot of gold like a leprechaun. They say death comes in threes, who's next in line? And I just lost a best friend for the second time. Now I'm on a quest to find peace, still gotta carry my peace in Su Wu when it's repping time. Yeah, I don't understand, I'm misunderstood. Give Interscope 2 more albums, then I'm done for good. Sold 10 million records, ain't lead a hood. It's a cold world, everybody need a hood. And everybody doing time, stay headstrong. You still got a chance to live, even though you're dead wrong. Oh, the spotlight is not for me. I close my eyes and imagine I'm home. I miss the days when life was simple. But if I never tried to follow that rainbow in search of the pot of gold. Sometimes I try to do good, but I just can't be. It's hard to get myself to do things that ain't me. And y'all should thank me, but my haters busy trying to send me home early. But you can't New Orleans saint me. I ain't a saint, B. I ain't a god, girl. I ain't an angel neither, but I try hard, y'all. I'm lighting up for all my soldiers at war as I sit back and watch the ashes on my cigar fall. Wayne just came home and tipped back on the yard, dog. Guess Pujols ain't the only one playing hardball. He's not for me. I close my eyes and imagine I'm home. I miss the days when life was simple. But if I never tried to follow that rainbow in search of the pot of gold, whoa, whoa, in search of the pot of gold. The spotlight is not for me. No, it ain't. I close my eyes and imagine I'm home. I miss the days when life was simple. Yeah. But if I never tried to follow that rainbow, it says with a pot of gold. De retour après Pot of Gold. Attends, je vais terminer. Et non. Ah, oh, tu connais ça? Ta bouche elle commence à faire. Ouais. Genre ça faisait des mouvements bizarres de vieux. Ça s'arrête un peu. Voilà. Je reconnais ça un peu tous les jours. Donc Arthur, ah t'as des poils. Oui, Arthur, il a des poils. Arthur, c'est le mec viril. Ah, c'est l'ambassadeur du Portugal. Arthur, il a des poils. Ah, Arthur, il est portugais. Alors, tu fermes ta gueule avec Katy Perry ses boutons, s'il te plaît. Ben oui, ce sont des boutons d'adolescence, je veux dire, rien de plus normal à mon âge, hein. 17 ans, ça se fête, quand même. Les boutons sont là pour le fêter avec nous. Voilà. D'ailleurs, ton anniversaire, c'est le même jour que l'anniversaire de Frisandou. Et tu lâches ton téléphone. Énorme. Donne-moi ce téléphone. Non. Je vais, tu t'arrêtes dans ta poche. À chaque SMS, ce sera une gifle, grand coquin. D'accord. Ça en fait déjà deux. Et un appel, non. Je t'en parle même pas. C'est faux. Allez, vas-y. Alors. Arrête de mâcher ce putain de bracelet. Oui. Mais je vous emmerde. Parce que maintenant, c'est nous qui avons tout bouffé. Ah ouais. Ça va, maintenant, c'est moi. Non. Allez. Alors. On va laisser tomber les massages de verrues et autres plans un peu dégueulasses. Oui. Parce que c'est dégueulasse. Parce que c'est dégueulasse, c'est vrai. C'est pas très catholique, on va pas se mentir. Et c'est pas la chose la plus attirante du monde. Donc on a cherché le massage érotique sur Allociné. Il y a un film qui s'appelle ça. Sur Page Jaune. Mais bon, ça revient à chercher pute sur Page Jaune. Voilà. Donc on a rien trouvé, bizarrement. Et puis ça attire un peu du proxénétisme. C'est vrai aussi, ouais. Ouais. Donc, j'ai mis mes lunettes noires, petite manœuvre. C'est très rock. C'était rock'n'roll. Ça m'a fait penser à Johnny en 95 au Stade de France. Pas mal. Elle a le truc qui fait tout le temps, c'est que j'ai un pote qui fait tout le temps, il fait salut les kids. Baptiste, si tu nous écoutes, ouais. C'est très chiant. Petite pensée pour toi. Non, c'est rigolo c'est quand tu le fais, moi je trouve. Donc, après, on écoutera un fanlan. I follow you, deep tea lady. Non, baby. Baby. Oh, là, t'es nul. T'es sérieux, là? Oui, non, mais. Ça dérange si tu craches dessus? Non, oui, un peu. Non, c'est bon. C'est bon, moi, je suis pas comme portable. Quoi? Non, rien que tu. J'ai trouvé à faire le cracher de Koubaï. Vas-y. Mais je ne le ferai pas. Ben, ça sert à rien d'avoir parlé, alors. Ah merde, je le faisais tard pas bien avant. Bon, je vais m'entraîner. C'est pas grave. Parce que je voulais faire un BEP de crachat de cowboy, mais. Il y avait plus de place, il a pas été retenu. Option, moi j'aimerais faire un BEP maître du monde avec option biatch tout tenu dans la piscine. Moi j'aimerais bien faire un CAP P bruyant. Parce que je trouve que ça, le P bruyant, mais déjà, il y a pas beaucoup de basses. C'est vrai. Quand on parle, c'est que des aigus. C'est vrai. Heureusement que Vin Diesel est là pour relever un peu le niveau. Et voilà. Ouais, tu aurais bien fait Vin Diesel si tu avais pas fait un accent du sud. Ouais. T'as fait un peu comme ça, là. Donc, ça, c'est pas Vin Diesel, hein. Pour relever un peu. C'est comment il s'appelle, là? C'est, alors, qui c'est qui a jeté son bâton de glace par terre? C'est pas moi. On l'a tous jeté en bas, donc ça, c'est toi. Non, moi, j'ai jeté en bas. C'est faux. C'est un soir, t'as dû bouffer ici, tu l'as jeté comme ça. Le gros dégueulasse. Ta gueule, toi, t'as des boutons sur le. C'est sûr que je te rappelle l'igloo que tu as sur le menton. Eh ben oui, mais ça c'est une croûte. Qui a fait un enfant, puis deux enfants. C'est pas un bouton, c'est une croûte. Bouton? Que quand je me suis rasé. Ah, tu connais pas le rasage, hein? Bien sûr que oui, regarde, tous les je me suis rasé tout à l'heure. C'est vrai? Mais alors qu'est-ce qui t'empêche de descendre un peu avec le rasoir au niveau du. Justement, parce qu'après je ne veux pas que ça pique ici. Tu vois? Ah ouais? Ce serait un peu comme. Ah, t'as peur. Mais tu ne connais pas la virilité, mon petit. Si je connais la virilité. Si, mais par contre on connaît aussi les Portugais, c'est pas top. Le seul endroit où il a des poils, notre ami Charles, c'est ses cheveux. C'est pas vrai, j'ai des poils plus que toi, mon vieux. Moi, je dois me raser tous les jours maintenant. Bah oui, moi aussi. Tu te rases tous les jours? Bah oui. Moi, je me rase un jour. Voilà, battle de poils. Gagner la battle de poils. Bon, voilà. Bon. Tout ça pour montrer qu'on est des hommes bien virils, bien pétants. Bien pétants. Je sais pas pourquoi pétants, ça m'a paru un peu original. Donc, pour changer. Voilà. D'ailleurs, tu sais quoi, Arthur? Vas-y. On va chercher un numéro pour te faire épiler le torse. Ok, c'est parti. Bonjour, faudrait m'épiler le zizi. Faut parler comme ça, avec des pulsions. Ça va, toi, t'as pas de tourette? Mais oui, c'est ça, le syndrome de la tourette. Non, le syndrome de la tourette, c'est salopoi! Excusez-moi, madame. Non, mais on leur fait ça? Oui, on fait ça. Excusez-moi, je suis atteint du syndrome de la tourette. Non, mais fais pas ça parce que connard, ça va cette pute. Directement cramé, alors que si tu fais, tu vois, des petits trucs comme ça, cachés. Je le fais moi, si vous voulez. Allez, madame, c'est parce que j'ai un. Allez, Charles, c'est parti. Charles, ou alors on appelle à deux. Centre d'épilation. On appelle oui, on fait des gays et tu dis oui, mon homme a beaucoup de poils. Moi je dis oh oui, j'ai beaucoup de poils. Voilà. Ah bah ouais, quelque chose qui s'appelle Dermalis qui a l'air pas mal pour nous. Allez, appelle. Allez. Allez, Swan qui joue le rôle de consultant stagiaire. Mais vas-y, c'est pas vrai, il a téléphoné tout à l'heure, je te permets. En plus c'est lui qui m'a demandé si tombé dans le stagiaire, c'est moi qui l'ai baisé le stagiaire. C'est lui qui s'est gavé. Oula. Alors on va pas faire le compromis parce que c'est moi qui ai baisé le stagiaire, on pourrait avoir un malentendu à ce niveau-là. Je vais pas tenir le téléphone, par contre, si quelqu'un... Je vais tout casser, si je touche... Attends, allez, Charles, on pense à toi. Prends le... Non, mais on appelle à deux, Jacques. C'est toi qui commence. Oui, mais au cas où... Comme... Il faudrait qu'on appelle des gens, et qu'on chante, pour voir s'ils chantent avec nous. Oui. Tu veux que je chante, là? Non. C'est un talent de beauté. Et alors? Ça veut pas dire que tu n'as pas le rythme de la musique? Le... J'ai envie de chanter, quand t'appelles. D'accord. Ah non! Non, non, mais... Comment ça? Ça m'a tout bien fermé, Dermalis. Dermalis, Dermalis, saucisse. Ok, vous êtes bien un petit Dermalis. Mais ça, mais ça, j'ai dit Dermalis. Ouh, on va aller encore plus belle. Donc je dis oui, mon mari, il est très belle. Viens, dis ça. Ça fait un peu comme Benoît de Secret Story, tu te rappelles? Benoît de Secret Story. Attends, je rate des ordres. Genre, hey, je suis trop folle. Je suis trop folle. Comment il t'a enclenché? Regarde pas Secret Story. Oh merde. Bah, c'est... allez, encore plus belle. Je vais tout casser. Si vous me touchez au fruit de mes entrailles, à tel point. Non, non, t'as raté. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas, c'est pas ça. Non, c'est plusieurs couplets, c'est assez complexe. La chanson de Best of the World, ça reste. Little girl, comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et des nouvelles, de chagrin, de vent et de frisson. Oh. Allez, viens, on chante sur le répondeur. Laisse la chanteuse sur le répondeur. C'est vrai, mais c'est rigolo. Non, non, chante pas de rien, faut rien dire. Alors, moi, je pense que. Si vous voulez nous laisser un message avec vos coordonnées, on n'y sera pas. Dans ta gueule, arrête de couper. On prendra rendez-vous, merci beaucoup. Et là, tu as raconté sur le téléphone. Voilà, moi, je vais bien. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Je ne sais plus comment faire. Voilà, c'est un thème. Toujours plus belle avec le yaourt. Comment faire? Je fais ta première, je trouve. Voilà, voilà. Ils ont bien rigolé, on est génial. C'était inutile, mais moi j'ai bien rigolé. Encore faut-il qu'il l'écoute. Les épilations, c'est tout fermé. Aisselle. Par critère, regarde. Aisselle, bah du coup. Y'a pas pénis. J'ai beaucoup de poils. Épilation laser. J'ai beaucoup de poils sur le pénis, c'est très handicapant dans mon métier. Épilmi. C'est pas votre métier, exactement. Regarde, épilmi. On va espace épilation. Épilmi. On va épilmi. Excusez-moi. Allô? Épilmi? Est-ce que vous pouvez épilmi? Épilmi, ça fait un petit. Ah, ça fait un peu happy. Oui, voilà, j'ai dit, on va pas confondre avec happy meal. Allez. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Pas mal. Tu devrais faire The Voice, hein. Ouais, c'est vrai. Je me suis posé la question. De toute façon, ils peuvent pas dans ma gueule, alors j'ai toutes mes chances. Il y a jamais des poupées dans The Voice. Il y a toujours, il y a, c'est pas comme la nouvelle star. Parce qu'il y a un premier casting qui a été fait. Ouais, ouais. Et il a regardé. Ah, mais c'est truqué, Arlène. Bon, Charles, je suis ton compagnon, je te rappelle. C'est bon. Elle ne répondra pas. On chante quoi sur le répondeur cette fois? Comme d'habitude, je l'aime. Je te bouscule. Non, je. Tu ne te bouscules pas. Tu ne te bouscules. Comme d'habitude. Tu ne te bouscules pas. Là. Oh, bon, j'ai raccroché. Non, c'est chanté Clo-Clo. Oui, c'est possible qu'il n'y ait pas de. C'est possible qu'il n'y ait pas de répondeur aussi. Aussi, c'est pour ça. Ça existe, ça? Oui. Alors, on va passer à quoi? Espace épilation? Bon, on se prend que des vents, là, donc. Oui, c'est vrai qu'il faudrait changer. Personne veut m'épiler, apparemment. Trop poilu. Ah, laissez tomber, on fait pas les paillasses. Pourtant, Esthétique Center, ça m'avait l'air pas mal. Laisse tomber, on est jour férié, c'est tout fermé. Faut manger le steak haché. Je voulais faire la réunion, excusez-moi. D'accord. Bon, alors, on cherche. Qu'est-ce qu'on peut chercher pour améliorer nos physiques, alors? Chirurgie esthétique. Ok. J'ai un gros nez. C'est un handicapant. Allez, bon, je j'ai trop un gros pénis. C'est trop handicapant. Les filles en ont peur. Non. J'ai un gros. Brigitte Lahaye sur RMC Info. Voilà, radio concurrente. Ouais, bah, mais elle passe. Alors, oui, il a carrément mis sa gueule en plus. Zwinger. Oui. Zulinger, Nicolas. Réparatrice et esthétique. Ça veut dire quoi, réparatrice? Genre, ta gueule, elle est cassée, tu viens la récupérer. Non, c'est pas ça, c'est genre. Oui, bonjour. Je sais ce que j'ai pu. Écoutez-moi, j'ai un truc très drôle. Oui, bonjour, j'ai fait la bise à ma plaque de cuisseau. Voilà, mais je suis tout abîmé. Voilà. Allez, appelle. C'est parti, de nous. Swinging. Zwinning. Oh, je vais décrocher et dire, je suis bien chez Zwinning. Zwinning, Zwinning. Oui, Zwillinger, monsieur. Ah, Zwillinger. Et d'un coup, si jamais on sent que ça part trop en couille, on chante. D'accord. Genre, on chante. On chante quoi? Bien. À la maison. Ah non, mais celle-là, je la connais pas, celle-là. Qui chante? Ah non, je sais ce qu'on chante. On chante. Il faut que je chante pour oublier. Tu connais celle-là, même pas. Désolé. Une étoile filante. Elle a les yeux bleus. Ah, Belinda. Voilà, c'est ça. Alors, je t'explique. Au début, ça. Il faut que je vous chante pour oublier. Oui. Une étoile filante qui m'a quitté. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les, après yeux bleus, Belinda. Ouais. Ça fait 10 fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. Putain, je passe pour le gros talus. Non, c'est bon, on fait Alexandrie Alexandra. C'est bon. Ah non. Ah non, moi de mon vivant, je chanterai pas Alexandrie Alexandra, c'est la plus nulle de la discographie. Non, François, monsieur. Non. Je suis désolé, je ne chanterai pas ça. Non, comment tu expliques alors son succès? Ah, j'ai refait ton. Ouais. Comment tu expliques son succès alors? Ben, la France a des goûts de merde. Voilà. D'accord. Allez, Swan, c'est parti. C'est bon ou... Ouais, c'est ouais. Pour ça que Freeze Radio n'est pas connu. Parce que la France a des goûts de merde. Voilà. Ah, le crade. Le crado. Si ça part trop en couille, on chante, hein. Quand je suis stressé, je chante. La téléphonie est ouverte tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 20h, et le samedi, de 9h à 13h. Merci de bien vouloir nous rappeler pendant ces horaires d'ouverture. Ça, c'est parti. Au revoir. Au revoir? Pourquoi tu revois sur le. Eh oui, bah oui, voilà, ils ont pas de répondeur. Ah ouais? Eh ouais. Allez, bâtard. Oh les bâtards! Oh là là là là! Oh les bâtards! Ils ont pas de. Comment tu fais pour pas avoir de répondeur? Eh ben tu dis je ne veux pas de répondeur. À ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu dis je ne veux pas de répondeur. Non, non, dit, non, ok, c'est bon, non, j'ai compris. Non, tu demandes à Monsieur Orange, Monsieur Orange, Monsieur Free ou autre Monsieur Bouygues. Mais à quoi ça sert de pas avoir de répondeur? Ben ça sert à pas te faire chier avec tous tes messages. Exact. Ça va, ça fait quoi de faire chier avec tous tes messages? Ben, si jamais moi, ton message pas. C'est je suis coincé dans mon coffre, viens m'aider! J'ai pas de répondeur, je peux pas le savoir. C'est ça? Ouais. D'un côté, ça sert à rien d'écouter 50 minutes après, je suis en train de me noyer! Bah, c'est bon, il s'est noyé là. Ah, mais je pense savoir pourquoi pourquoi tout le monde tout commence à fermer, c'est parce qu'il commence à se faire tard. Ah, ouais, il est 17h, Jackie. Ah, dommage. On tente un dernier. Allez. Sérieusement. Lalo. Blinder Jean-Philippe. Alors, non, on a Lalo. Alors là, c'est quoi? C'est Jacques. Francky, Lalo ou Blinder? Je sais pas. Il habite dans le 16ème, vas-y. Attends, mais on va regarder leurs horaires d'ouverture, il n'y a pas leurs horaires d'ouverture. Non, il n'y a non, pas leurs horaires d'ouverture. Non, mais on prend... Tu peux faire des lipos, si dans le 6ème ou dans on prend Binder. C'est mon fils, ma bataille. On prend lequel? Choisis, c'est moi qui choisis. C'est toi qui choisis. T'as mis 2x01, Jackie. Oh, mon Dieu. C'est pas avec ça qu'on va pouvoir appeler. Eh ben non, hein. Oh, on a appelé Binder. Blinder. Non, Binder. Regarde, j'ai pas de L. Ah ouais. Il a fait une faute alors. Binder. Bien. Oh, on se prie Dieu à la. Bonjour, le cabinet du docteur Binder est actuellement. Bonjour, le docteur Binder est actuellement. Est actuellement en train de. T'es actuellement Jean-Philippe. Je suis actuellement mort. Laissez-moi un message. Je vous répondrai peut-être pas parce que je suis mort. Mais ça fait toujours plaisir. Oh là là. Mais décidément, on ne pourra pas se faire beau un jour faire ici. Bah laisse tomber, il est pas jaune, moi je dis. On va envoyer une musique, Jackie. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut que t'écouter? Un fond un. Alors Leakley, Magician Remix avec un Follow You. Allez, on s'écoute ça, Jackie. C'est parti. On se retrouve juste après ça pour des choses excellentes. Et comme dirait Valérie, tu regardes pas les enfants de la télé? Non. Qui dit, et comme dirait Valérie, ils ont un extrait de Valérie Giscard d'Estaing qui fait au revoir. Ah oui, ta-da, au revoir. Ta-da, ah oui, c'est vrai. Ou alors, au lieu de passer une musique, on chante nous, hein. Bon, on va passer une musique. Bon, alors, on se retrouve juste après. Merci. À plus. Enough for Voilà, du retour avec. Oh, j'ai réussi à faire la note d'arpège mineur, voilà. T'as vu? Ouais. Ça monte en arpège, donc là c'est du do mineur. Après ça descend en si majeur. Voilà. Les auditeurs ne comprennent pas. Bah, en fait, j'explique. En fait, au début, j'ai réussi à faire un mec qui fait. Vous avez dû l'entendre, voilà. Certain. Mais voilà. Vous ne saviez pas que c'était si exceptionnel que ça. Non, mais alors, mais revenez en arrière. Ouais, c'est un truc de fou. C'est David Guetta là, il aurait une érection si vous écoutez. Au moins. Voilà. Bon, éjaculation précoce. Voilà. Donc, ben, on va vous laisser. Donc, on va vous laisser parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait, devait y aller. Très content. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de faire une émission courte. Comme ça, on dit, oh non, c'était trop court et tout. Et après, on fera une émission longue, on dira, c'était trop bien, c'était trop long. Voilà. C'était trop long. Et, voilà, merci de nous avoir écoutés. Allez, gros bisous. Nous sommes toujours avec vous. Hein, Si vous voulez faire masser les verrues, vous appelez Swan. Voilà. Si vous voulez vous faire épiler, vous m'appelez moi. Et moi, si vous voulez faire des massages californiens ou chinois ou tantrique. Ou tzigane, c'est quoi tantrique. Tantrique. Massage roman, t'as voulu t'en penser pour les chinois. Massage roman, t'as voulu t'en penser. Voilà, je redis ma vanne parce que tu m'as coupé. D'accord. C'était une émission de coupage un peu, moi, je trouve. Bon, mais c'est pas grave, elle était bien quand même. On progresse, on a bien rigolé. Excellent. Merci à tous de nous avoir suivis. On remercie Michel, Patrick, Thierry à la sono, toujours Alain aussi exceptionnel. Et Alain et Marc. Pas de femme. Non, pas de femme. Bah si, allez, Nathalie, notre stagiaire. On remercie Nathalie, c'est vrai, Nathalie. On prend très fort le samedi soir. Hein. Allez, disons-nous les choses. Une excellente image de la femme sur Freeze Radio. Combattons le sexisme. Bah, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se quitte avec une chanson. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme chanson? Adieu, monsieur le professeur. Je vous passe Claude François? Je remets Claude François? Ouais, allez, c'est parti. Vous voulez Claude François? Ah, vous voulez Claude François? Ok. Claude François, Magnolia Forever. Parce que c'est indénodable, parce que c'est la qualité. Parce que comme ça, vous savez ce que c'est la musique. C'est pas les Chris Brown, ou les autres Florida, ou les autres. B.O.B. B.O.B. Non, c'est bien. Bon, voilà. C'est pas Matt Pokora, je sais pas quoi, là, qui va concurrencer Coco, d'accord? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, Magnolia Forever, Claude François. Nous et là, pendant que je parle, la musique arrive derrière. J'aime bien faire ça. Je ne peux plus rien y faire. Je ne sais plus comment. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière.